Chapitre 9e, le départ. Le lundi 15 janvier 1913, vers 7 heures du matin, René Dubois faisait ses adieux à son frère et à l'ami de celui-ci, dans le petit hangar de l'aérodrome d'Étampes. Elle était visiblement émue, ainsi que sans patience. Quant à l'ingénieur, il était aussi calme que s'il ne s'était agi que du plus banal des départs. Néanmoins, il embrassa tendrement sa sœur. Il était convenu qu'aussitôt que possible, elle recevrait un câblogramme la mettant au courant de l'issue du voyage. « Du reste, ajouta l'ingénieur, tu entendras parler de nous par les journaux avant que nous soyons arrivés. Nous ne pouvons manquer de rencontrer en route des navires qui s'empresseront de télégraphier cette rencontre au continent. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Ce voyage n'est nullement dangereux, puisqu'en cas de panne, nos flotteurs nous permettraient de nous poser sur la mer où nous ne tarderions pas à être recueillis, les parages que nous allons survoler étant très fréquentés. » Sans patience, lui restait là, ému comme il ne l'avait jamais été. Il ne regardait que René. Durant les mois qui venaient de s'écouler, il s'était si bien habitué à elle qu'à la pensée de la quitter, son cœur se déchirait. Ah, s'il avait pu au moins, en cet instant solennel, lui apprendre combien elle lui était chère, et lui demander si elle voulait bien l'attendre, comme une fiancée. Mais à quoi bon ? Son exécrable caractère qui ne lui permettrait jamais de rendre une femme heureuse, et la volonté de la jeune fille de rester toujours auprès de son frère, tout ne condamnait-il pas cet espoir ? « Quand vous voudrez, mon cher, » dit l'ingénieur, déjà installé à son volant. Son patient s'approcha de la jeune fille et lui tendit la main en balbutiant. « Adieu, mademoiselle. »« Non pas adieu, mais au revoir, » répondit René, très ému elle aussi. Ce fut tout. Tous deux, une seconde, se regardèrent et, sans patience, vit dans les larges yeux gris comme une lueur de souffrance et de tendresse qui le bouleversa. Sa bouche s'ouvrit, mais il se tut, et René baissa les yeux. Nul autre qu'un mécanicien n'assistait à cette envolée par quoi débutait une randonnée qui devait bouleverser le monde. Dans la crainte d'un échec toujours possible, nos deux amis s'étaient bien gardés, en effet, d'ébruiter leur dessein, pour ne pas éveiller de soupçons sur leur véritable projet. Les flotteurs n'avaient été adaptés à leur appareil qu'au dernier moment. S'ils réussissaient, on le saurait toujours assez tôt. S'ils échouaient, au contraire, leur échec n'aurait aucun retentissement. Seul le mécanicien, gardien du hangar, venait d'être mis dans la confidence, sous la recommandation expresse de ne parler que quand on lui en donnerait l'autorisation. Quand il avait connaissance du téméraire projet, le brave garçon en était tombé des nues. « Et si vous ne revenez pas ? » demanda-t-il. « Tu verras bien, animal !» cria sans patience d'une voix furibonde, et fourrant deux billets bleus dans la main du mécano effaré. « Voilà pour t'apprendre à te taire, idiot. Tu n'auras autant quand nous reviendrons, si tu as su tenir ta langue jusque-là. Mais si tu parles avant, je te massacre. » Là-dessus, sans patience s'installa sur son siège, situé à côté de celui du pilote. Un dernier adieu à René, et deux minutes après, l'aéroplane volait en plein ciel, piquant droit sur l'ouest. Quimper était en effet l'objectif de cette première étape d'environ 400 kilomètres, une misère pour des hommes qui s'apprêtaient à franchir l'Atlantique d'une traite. Et l'ingénieur n'était pas fâché de ce voyage préliminaire effectué au-dessus du continent, voyage qui allait lui permettre de contrôler une dernière fois la tenue de son appareil avant d'aborder l'océan. Il faisait un joli petit froid sec et on lisait 6 degrés au-dessous de zéro au thermomètre accroché au pare-brise, car il y avait un pare-brise, et tous ceux qui ont fait de l'aéro savent que ce n'était pas là une innovation à dédaigner. Il régnait un vent moyen du nord-ouest qui aidait à la marche. « Que ce vent dure quelque temps, » dit l'ingénieur, « et nous ne mettrons que 2 jours pour arriver à New York. » Grâce à de chaudes fourrures, les aviateurs supportaient facilement ce froid, qui en somme n'avait rien d'excessif. L'ingénieur avait du reste poussé la prévoyance jusqu'à installer un système de chaufferette inédit, grâce à un manchon rempli d'eau qui entourait le tuyau de sortie des gaz et auquel il avait adjoint une série d'autres tuyaux qui entretenaient sous leurs pieds une chaleur constante. La question des vivres était solutionnée avec la même prévoyance. En tant que conserves, biscuits, comprimés, eau douce, vin, café froid et rhum, l'approvisionnement aurait suffi à nourrir 2 hommes pendant 1 mois. Sans patience avait trouvé la précaution excessive, mais l'ingénieur avait tenu bon. Il y avait en outre à bord les instruments indispensables, boussole, thermomètre, indicateur d'altitude, indicateur de tour d'hélice, etc. et dans un coffre ad hoc, une série d'outils de toutes sortes. Deux récipients fixés au fuselage approvisionnaient le moteur en essence et en huile. Très vaste, le réservoir d'essence pouvait contenir 400 litres. Un dispositif approprié permettait de se rendre compte à chaque instant de la hauteur du liquide. Le reste de l'approvisionnement devait être pris à Quimper, et une place était réservée derrière les sièges pour les bidons pleins qu'il faudrait emporter. De plus, sans patience avait tenu à ce qu'un pavillon tricolore soit fixé au-dessus du fuselage entre les deux ailes. Tout était donc prévu jusqu'à la minutie, et c'était là l'œuvre de l'ingénieur. S'il avait écouté sans patience, qui ne doutait de rien, tous deux seraient partis en n'emportant que la quantité de carburant et d'huile nécessaire, quelques outils et des vivres pour deux jours. Mais pour la première fois, l'ingénieur avait tenu son point bon et prié son ami d'avoir à lui laissé la paix au sujet de ses préparatifs.